En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mississigny, au numéro de téléphone 88-276-9383. Le personnel et la direction des transports Véro souhaitent de joyeuses fêtes et remercient ses clients durant l'année qui se termine. Paix, bonheur, amour et prospérité, ce sont les vœux du groupe Véro, situé au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien. On peut nous rejoindre au 418-679-1573. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Retour de la NFL avec notre ami Tony Gouzeau du site internet leblitznfl.com. Salut Tony. Salut Danny. Tony, on va parler d'abord d'abord, on est le 25 décembre, sauf qu'on a acheté la chronique hier, mais je pense pas que la chronique entre le 24 et le 25, ça a changé grand-chose. Donc, on va commencer avec l'actualité comme on le fait d'habitude tout le temps. Tony, moi, chapeau à la NFL. Là, tu vas me voir venir. La NFL a été les premiers circuits majeurs à dire au monde d'arrêter, ils vont peut-être tester les gens sans symptômes. Mm-hmm. Donc, d'arrêter de tester les gens sans symptômes. Puis, c'est-tu moi ou les cons ont baissé depuis ce temps-là? Ben là, il y a... Ben, oui puis non. je te dirais, j'ai essayé de trouver des nouvelles cette semaine. Mais oui, tu as raison que là, ils ont décidé d'arrêter parce que, justement, la liste augmente quand même, mais je trouve qu'il y a pas mal de cas. Tu sais, je regarde même notre ami Laurent Duvernay-Tardif qui est testé positif. Donc, c'est très difficile à dire, Danny. Puis, je vais être honnête, c'est vraiment. Il me semble que ça tombe moins qu'avant et que la semaine passée, il va en avoir un peu, mais moins. Oui, ça tombe moins parce que justement, comme tu dis, on a arrêté parce que là c'est rendu. Il avait songé même d'annuler les fameux matchs qu'ils ont reportés, qu'ils ont songé des annuler. Fait que c'est un peu ça qui est vraiment dommage en fin de saison dans la NFL, parce que là, c'est ça qui prend le dessus. Ben, puis là, il y a des gros noms qui ben, sont absents. Baker Mayfield, écoute, les Browns de Cleveland, lundi, t'as pris leur troisième carrière. Ouais. Je suis convaincu, moi, quelque part, que Baker Mayfield était pas malade, là. Fait que, tu sais, quelque part, là, c'est parce que là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que là, on voit peut-être moins de cas, mais les cas, c'est vraiment des vrais cas positifs. Puis ouais. Là, je regarde les Saints qui affrontent mes Dolphins lundi soir. Taysom Hill ne jouera pas, ça va être Ian Book. Fait que les Saints sont en plein cœur d'avoir une place aux éliminatoires. Sont rendus au troisième quart arrière, eux autres aussi, contre mes Dolphins. Donc, malheureusement, c'est ça qui prend le dessus, parce que là, ça tombe vraiment mal, parce que, comme je viens de mentionner, il y a bien des équipes qui sont dans la course, puis même il y a des coachs qui sont testés, ils ne sont même pas là. tout cas, c'est toute une fin de saison assez bizarre, mais à l'image de qu'est-ce qui se passe dans la société aujourd'hui, là, dernièrement, là, c'est vraiment malheureux, mais j'essaie de trouver d'autres nouvelles. J'en trouve pas, à moins que tu m'en donnes. Mais non, mais je vois seulement comme... Ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, quelque part, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, enfin, ouais, je pense que tu vois la NBA hier, parce que moi, je suis un amateur de beaucoup de sport. La NBA a dit, ils veulent avoir un resserrement des tests. De diminuer les tests. La Ligue nationale de hockey, tu as vu des joueurs qui se sont exprimés là-dessus. Je pense que ça va commencer à faire ses petits. Puis bravo à la NFL. À un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Si le gars n'est pas malade, puis si le gars, il n'y a personne depuis 2 ans, on en parle souvent, depuis 2 ans qui ont été même pas sur le bord de la. C'est malade à dire que leur vie est en danger. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça devient quoi? Ça devient une grippe à ce moment-là. Donc, à quelque part, ben, il faut que ça arrête, puis faut passer un autre appel, puis faut retourner à autre chose. Là. Puis bravo ben, à la NFL, puis bravo à l'investigateur là-dessus. Puis comme tu dis, c'est vraiment, là, on va mettre l'accent sur les vrais cas, puis ça va devenir, comme tu dis, une grippe ou même une gastro, où ce que le joueur ne peut pas être dans l'entourage, puis on fait attention. Ben, c'est exactement. Ça finit là-dessus. Ah oui, fait que, autre chose peut-être à mentionner qui t'a marqué hier, le match entre, entre les 49ers et les Titans. Écoute, c'était un match en deux temps. Dans la première demi, les 49ers ont bien joué. Par contre, en deuxième demi, des fois, ça a été affreux pour les 49ers. Des erreurs et les Titans avaient plus d'énergie, comme je disais. Oui, puis excellente remontée des Titans. Je pense que le mental avec Coach Vrabel, là, qui a vécu ça aussi, donc a amené ses joueurs à remonter la pente. Hier, on a peut-être vu les limites de Jimmy Garoppolo, je pense. Dans ce sens-là, parce qu'on avait des doutes. Des fois, il y a des hauts et des bas. Il avait bien connu dernièrement, mais oh boy! Puis là, on questionne, il y a aussi mes collègues là, de leblitznfl.com, on se questionne. Là, c'est-tu Jimmy Garoppolo ou même le coach Kyle Shanahan dans ses choix de jeu? Le gars, il veut être trop créatif. Il veut tellement trop bien faire que ça met quand même une certaine pression à son corps arrière. Puis son corps arrière, on voit qu'il est limité. Là. Des fois, là, il ne voit pas tout. Mais les Titans ont quand même mis beaucoup de pression en deuxième demi. Puis sont venus de l'arrière. Puis chapeau. Puis avec cette victoire-là, Danny, les Cowboys sont assurés d'une place aux éliminatoires. Il y a combien de... Là, ça doit diminuer pas mal, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est vraiment... Il reste quoi? Trois semaines? Deux semaines? Trois semaines? Trois semaines. On est à rendu 16. Noël, ce qui est aujourd'hui, va faire en sorte qu'il y ait deux autres matchs également. Les matchs importants pour les Browns et les Packers également. Oui, puis les Colts aussi, Cards, deux gros matchs. Mais il reste, comme tu dis, il reste trois matchs. Et c'est une première depuis longtemps parce qu'avant le match d'hier, on parlait de 27 sur les 32 qui avaient encore des chances mathématiquement de faire les séries. C'est toute une première parce que là, hier, jeudi soir, les Cowboys se sont qualifiés. Puis la semaine passée, les Packers sont officiellement champions. Donc, il y a seulement deux équipes sur 14 places de disponibles qui sont assurées d'une place aux éliminatoires. Mais ça devrait débouler là, après, en fin de semaine. Là. Il y a des scénarios qui s'en viennent. Oui, effectivement. Donc, les matchs à surveiller. Ben, on va-tu tout au match? As-tu de l'information peut-être que tu voulais parler? En même temps, on a oublié. D'habitude, on fait tout ça en dehors des zones. Mais là, il n'y a pas de... Pas de nouvelles bonnes nouvelles. On parle beaucoup des scénarios, mais on peut aller directement au match à surveiller parce que... Je vais revenir sur les Cards d'Arizona. Oui, vas-y. À Détroit, la semaine passée, là. C'était catastrophe. C'est une défaite qui va faire mal. On vient de réaliser que Kyler Murray, depuis qu'il est revenu de sa blessure, ça va pas très bien. Puis le fait que DeAndre Hopkins aussi est fini pour la saison, là, il manque des cibles, il manque des armes. Là, on voit, tu sais, parce que c'est une équipe quand même qui est en progression, une jeune équipe. Donc, on voit un peu, comment on dit ça, l'expérience ou une certaine maturité dans des gros matchs importants, mais... il pourrait... San Francisco a perdu jeudi, là, mais ça aurait pu être catastrophique pour les Cards parce qu'ils ont autant de chances de faire les séries qu'ils en ont autant de pas d'en faire. Fait que les Rams poussent derrière. Mais le prochain match... samedi soir, ça va être un gros match encore. J'ai des doutes pour les Cards d'ici la fin de la saison. On dirait qu'ils vont faire la même chose que l'année passée. C'est toi qui disais la semaine passée, la jeune équipe. Oui, exactement. Donc, il manque cette maturité professionnelle que j'arrête pas de dire. Là. L'expérience. Apprendre à gagner, c'est ça. Exactement. C'est ça. Bon, OK. Donc, les matchs à surveiller à fin de semaine, il y en a plusieurs. Évidemment, plus qu'on s'en va, plus que vers la fin de la saison, plus il y a des matchs à surveiller. Le jour de Noël, écoute, on va être très, très gâtés si la COVID n'y a pas... je pense pas, là, Marc-Ben. T'as vu le Hawaiian... T'as vu le college football, le match du Hawaiian Bowl qui va être cancellé à cause de la COVID, encore une fois. Mais ça, il est beau, il en a 44. Un de plus ou un de moins, c'est pas grave. Là. Fait que, ça, on peut... Ouais. Ça, on peut faire une parenthèse, la NCAA. Là, il va falloir qu'ils revisent un peu ça parce que là, il y a de plus en plus de joueurs aussi. Non seulement il y a la COVID, mais il y a de plus en plus de gros noms. Ils s'absentent de ces bowls-là pour se préparer pour la NFL, surtout les dernières années. Fait que, il y en a beaucoup, mais c'est toute une question d'argent parce que d'un autre côté, tous ces commanditaires-là, l'argent va à l'université. Donc, même si tu gagnes ou perds, là, l'argent rentre quand même. Là. Fait que, mais c'est. Ça, moi, je me souviens, j'ai comme perdu un peu l'appétit de ça parce que moi, là, des fois, je passais tout le temps. T'en passerais à 25. Dernièrement, à peu près 25, puis ce serait en masse. Ouais. Hein? Ben oui, ben là, 44, comme tu dis, c'est beau. Fait que, mais gros match, gros samedi. Je suis content que ces deux bons matchs qu'on va avoir, les Browns contre les Packers, puis surtout les Colts contre les Cards. Donc, je pense que c'est une première fois. Que c'est une première fois qu'on a comme un programme double dans la NFL le jour de Noël. Fait que ça va être très intéressant. Les Browns, ben là, les Browns, ils s'en vont plus vers le bas-fond que vers le haut. On va en parler. Le match contre Baker Mayfield, là, je parlais de la COVID, là, ça, c'est ça, mais ça fait mal, là, des affaires de même. Oui. Puis il a été tout amoché. Encore une fois, les Browns vont faire partie de peut-être notre revue de l'année dans, dans la déception parce qu'ils ont quand même le talent sur le terrain. Puis c'est vraiment malheureux. Baker Mayfield joue pour son contrat parce que là aussi. Mais les Packers, félicitations, sont champions. Moi, je te dirais en ce moment, les Packers, c'est vraiment l'équipe à battre. Il est incroyable, Aaron Rodgers, avec tout ce qu'il vit hors terrain. C'est l'individu. En tout cas, c'est un phénomène. Il est spécial, ce gars-là, de plus en plus. Là, il est dur à suivre, mais my God, quand il est sur le terrain, le gars, il voit le jeu au ralenti. Il trouve la solution. Wow, bravo, chapeau. On lui souhaite pas de blessure de plus. C'est une équipe qui va aller loin, là, mais j'ai hâte de voir ça. OK. Les Colts d'Indianapolis, c'est une équipe, c'est énigmatique, ça va très bien. Trois défaites, je pense, en début de saison. Par la suite, ils sont tous revenus. Jonathan Taylor est en feu. Le match contre les Pats, la semaine passée, écoute, les Pats ont eu trois quarts. Les Colts, par contre, les Pats ont commencé à jouer au quatrième quart. Ils étaient déjà trop tard. Ouais, gros match également contre les Cards. Écoute, c'est important. Là, c'est un excellent match dimanche. Là. Pas dimanche, mais samedi. Ouais. Ah oui, c'est puis ça tombe bien, c'est prime time, le soir de Noël. Là, il y en a plusieurs devant qui vont regarder ça. Mais les Colts, je pense que Carson Wentz doit dire merci à Jonathan Taylor. Donc, tu sais, dans le quand on dit le football de décembre et de janvier, il faut que t'aies un équilibre dans ton jeu au sol puis l'attaque aérienne parce que on le sait très bien. Mais quand on dit ça aux Bills de Buffalo. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas donner seulement le ballon à Carson Wentz. Carson Wentz ne fera pas gagner ton équipe comme certains corps arrière vont le faire. Donc, Jonathan Taylor, on parle beaucoup. Il va être candidat au joueur le plus utile. Ouais. Ils doivent continuer comme ça. Et la défensive des Colts aussi n'accorde pas beaucoup de points. J'ai bien hâte de voir comment les Cards vont répondre là-dessus. Ça va être un match serré, ça va être un match très intéressant. Je ne suis pas capable, je te dirais, je le donne, on dirait que Frank Reich aussi coach très bien dernièrement aussi. Ben, il a toujours bien coaché. Je vais donner l'avantage au coaching là, dans ce match-là et les coachs devraient l'emporter, je pense. Ouais, effectivement. Mais de serré. Effectivement. Donc par la suite, écoute... avant de commencer à dimanche, on va faire une pause. C'est le temps des fêtes, j'ai beaucoup de publicité. Donc, vous êtes à l'écoute de la revue de l'année avec Tony Gouzeau sur les ondes de Dan Radiosport.com. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacquelin Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacquelin Doucet, 418-276-6170. En ces moments de réjouissance et de bonheur, toute l'équipe de Jean Dumas Ford souhaite de joyeuses fêtes à sa distinguée clientèle et la remercie de la confiance témoignée durant l'année qui s'achève. Profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Missassini, au numéro 418-276-1316. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. On est de retour avec Tony Guzzo. Tony, on est rendu à dimanche et dimanche à 13h. Quel match, encore une fois, mes Pats contre les Bills. Mes Pats, écoute, quoi qu'il advienne, ça va être une belle saison, comme je te dis. Oui. Les Bills, c'est un match important, très important. Ils sont pas assurés de faire encore les éliminatoires. J'ai hâte de voir le match. Moi, je m'attends à une victoire des Pats. Oui, parce que toute la pression est aux Bills en ce moment, parce que les Bills se doivent de gagner. Et malheureusement, comme j'ai mentionné tantôt, comme j'ai dit, en décembre, janvier, en fin d'année, il faut que tu aies une équipe équilibrée, balancée au sol puis aérien. Les Bills, absence de jeu au sol, c'est tout Josh Allen qui court avec le ballon, qui lance avec le ballon. Puis ça, c'est pas correct, hein, parce que les Bills, non seulement... parce qu'il faut que tu protèges Allen. Pourquoi Tom Brady est rendu à 44 ans? Oui. Hein? Pourquoi que... Mais ça se peut que, autant pour le joueur que pour l'organisation, ça va être des corps arrière qui ne dureront pas longtemps, malheureusement. Sauf que le problème, c'est que les Bills auraient pu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand ça ne marche pas, tu ne peux pas l'enlever dans ton plan de match. Tu dois trouver, même n'importe qui, c'est de là le succès des... T'as-tu remarqué tes pattes? C'est le rôle de la ligne à l'attaque aussi, c'est important. La ligne à l'attaque doit ouvrir des brèches pour ton porteur de ballon, il y a ça aussi. Mais t'as vu tes pattes, Danny? Moi, on parle beaucoup de comité, du haut de porteur de ballon, mais les pattes, à chaque année, ils roulent à 3-4 porteurs de ballon. C'est jamais les mêmes. Je veux dire, oublie ça, prends-les pas dans tes pools fantasy parce que tu gagneras pas, ils font pas grand-chose, dans la vraie NFL, ils aident à gagner. Donc, en tout cas, les Bills se doivent vraiment de gagner. J'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi, je donne l'avantage. Puis on dirait que les Bills manquent de ressources. J'espère juste qu'ils vont faire assez pour faire les séries. Donc, c'est le match à 13h, très, très intéressant. Et là, t'as les Dolphins qui poussent en arrière des Bills. Ouais. 6 victoires de fil, les Dolphins sont en feu. Mes collègues, Danny, tu vas rire, j'en parle pas parce que ça va bien. 7-7, eux vont jouer à Nouvelle-Orléans dans le Monday Night. C'est un match important pour les deux équipes. C'est pas nécessairement le match le plus important, mais ça a un lien entre le... Parce que si les Bills poussent, dans cette division-là, c'est important. Ils font partie de la... mathématiquement. Ils ont une fiche de 7-7. Puis je dois dire, on s'attendait un peu beaucoup, peut-être en termes de résultats pour les Dolphins. Mais en tout cas, si la tendance se maintient, on risque de voir peut-être une saison de 9-8. C'est un peu ça qu'on s'attendait, là, tu sais. Mais ils poussent beaucoup. On commence vraiment à inculquer le plan de match avec Tua. Puis la défensive est là. La défensive aide énormément. On cherche encore un jeu au sol, mais c'est une équipe qui travaille fort jusqu'à la fin. Puis je suis bien content. J'aime pas ça des. Tu sais, après 7 défaites de suite, là, 6 de. Tu sais, ça prend une certaine constance, mais tant mieux. Puis c'est le genre d'équipe qui peuvent nuire d'ici la fin de la saison des chances aux autres et s'aider aussi. Mais mathématiquement, comme tu dis, si Buffalo en arrache. Parce que moi, je dis à 9 ou 10 victoires, à 9 victoires, tu pourrais faire les séries dans l'américaine. Donc, continuez à gagner, puis on verra par la suite. Le match, évidemment, qu'il faut surveiller, moi, c'est un Baltimore-Cincinnati. C'est un match à voir incroyable. Écoute, les Bengals, on ne sait jamais quoi. C'est une équipe, c'est une jeune équipe. Hein. Tu ne sais jamais à quoi exactement. Penser. Les Ravens, c'est un petit peu décevant. Les Ravens, ça a été vraiment le débat depuis quelques semaines parce qu'ils sont allés risquer pour des 2 points pour gagner, pour pas aller en prolongation. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop risqué. Tout le monde dit que ça a été une bonne décision, mais dans les deux cas, ils ont perdu. Donc, c'est deux défaites où ce que tu avais peut-être la chance de le gagner en prolongation. On ne sait jamais. Je sais que c'est le pile ou face. La prolongation, c'est pas vraiment le fun là, dans la NFL. Là, parce que c'est quasiment c'est un pile ou face qui décide une tendance. Là, mais gros match pour les deux équipes. Cincinnati, très inconstant. Mais les équipes adverses ont réussi à trouver la faille à Joe Burrow. Il faut qu'on y mette la pression sur lui. Fait que quand on y met beaucoup de pression, c'est là qu'il commence à donner beaucoup d'interceptions. Et c'est ça qui n'a pas aidé dernièrement pour les Bengals. Et comme tu dis, c'est une jeune équipe. Ils apprennent à gagner. C'est de l'expérience. Mais les Ravens sont vraiment... Ils doivent se gagner aussi. Les deux équipes sont en tête dans la division. Donc, il y a Pittsburgh et Cleveland qui chauffent en arrière. Donc, un gros, gros match. Deux défensives qui se ressemblent. Donc, il faut éviter les erreurs. On ne sait pas si... Je ne pense pas que Lamar Jackson va être de retour. Mais de toute façon, Tyler Huntley ou Lamar Jackson... Il est bon, Tyler Huntley là, m'a dit une affaire. Là. Pas sûr, moi, que l'an prochain, ils ne seront pas échangés. C'est un peu le style Lamar Jackson, par contre. Je l'ai pas assez vu pour jouer ses lectures. Ses lectures, s'il est meilleur que dans ses lectures de jeu que Lamar. C'est ça, que Lamar. Mais Lamar s'améliorait là, dans les lectures de jeu. Ouais. Puis, comme tu dis, Tyler Huntley ressemble énormément. Mais ils ont le même plan de match pour les deux corps arrière. Ouais. C'est courir le ballon, autant pour le corps arrière que ses porteurs. Des petites passes, des passes courtes, puis ils avancent le terrain. En tout cas, ça aussi, c'est deux gros matchs, tes Pats, puis celui-là là, à 13h. En tout cas, on va être bien choyé le lendemain de Noël. Autre match également très intéressant, c'est Denver. Moi, les Raiders, c'est ma deuxième équipe. Denver, écoute, je pense... C'est les Raiders, ils ont gagné la semaine passée, mais soyons honnêtes, c'est Baker Mayfield qui est là, ils gagnent pas. Là. Donc, exactement. Ils affrontent, sont encore en place. Eux aussi sont en série, sont en mode série dans les deux équipes. Oui, gros match de division en plus, puis mathématiquement sont là, fait que c'est quand même drôle parce que c'est deux équipes qui ont connu vraiment des hauts et des bas. Denver qui ont commencé en force. Ça a l'air que tout le monde dans la NFL dit, les dirigeants, là, les exécutifs dans la NFL disent tout que Denver a vraiment une belle équipe sur le terrain individuellement, beaucoup de talent. Teddy Bridgewater, peut-être sont à un quart arrière un peu plus proche pour les amener là. Denver a connu un début de saison en force, après ça, des hauts et des bas. Mais Las Vegas, là, tout ce qui s'est passé, on se demande même, c'est malheureux pour le Vegas, ils ont eu des blessures aussi. Mais Derek Carr, on dirait, j'ai l'impression que ce gars-là risque d'être échangé. Ben, les Steelers, je le vois à Pittsburgh, moi, c'est drôle, hein? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, fait que Derek Carr essaie beaucoup à lui tout seul à... mais c'est malheureux parce qu'il y a un coach en intérim. J'ai bien hâte de voir le futur de cette équipe-là, qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est un gros match de division. Comme tu dis, moi et toi, on est des gros fans de matchs de division. Puis rendu à cet incite de l'année, ce match-là est aussi important pour tout le monde. OK. Donc, il y a d'autres matchs à surveiller peut-être? Vas-y, va. Ben, j'ai hâte de voir comment les Steelers pourraient causer la surprise contre les Chiefs parce que... Les Chiefs, ils accumulent les victoires, mais c'est grâce à leur défensive. L'attaque, Patrick Mahomes encore, est pas stable, n'est pas constante. Ce serait le genre de match que les Steelers pourraient surprendre encore une fois. J'ai hâte de voir ça. OK, on va surveiller ça également. Tony, on se reparle même si le temps des fêtes, habituellement, on n'en fait pas de chronique dans le temps des fêtes. Il y a de la radio, là, mais c'est des entrevues qui ont été préparées avant les fêtes. Mais si tu permets, on va faire une chronique directe quand même, si tu permets, la semaine prochaine, pour les matchs de la semaine. Je vais interrompre mes vacances pour faire au moins une chronique ou deux. Fait que, joyeuse fête, tout le monde. Tu as passé ton nez pour l'enregistrement. Oui, oui. Okay. Joyeuse fête, oui. Ouais. Donc c'était Tony Guzzo qui nous parlait de la NFL.